pourras pas l'éviter. Pauvre ou riche, pauvre et con, tu mourras. Tu pourras pas l'éviter. Pauvre ou riche, pauvre et con, tu mourras. Tu pourras pas l'éviter. Pauvre ou riche, pauvre et con, tu mourras. Profite de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. La mort peut venir à chaque moment te frapper, à chaque moment te stopper, te taper sur l'épaule pour niquer l'enjette maman. Profite de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta sœur. Sois bosseur, lève-toi tôt, vise le salaire de la sœur. Les trafics, la vie grave, c'est bidon, sors de là. Eh petit frère, mets pas ton avenir en jeu pour 100$. Profite de ma zig, comme Paris elle est magique. Mal barré, problématique, NSO ça c'est ma clique. La mort nous aura tous, on vise tout. Le centre de la cible, mais on le rate tout. Parce que la mort nous aura tous, faut profiter. Évitez de baisser les bras devant l'adversité. La mort nous aura tous, faut pas flipper. Un de ces jours, la faucheuse viendra te chercher. La mort nous aura tous, sans exception. Depuis toujours, elle est la cause de nos déceptions. La mort nous aura tous, parce que la mort nous aura tous. On y passera tous, Renoir, Abzari, Taltos, quels que soient les abdos, planquez pas le matos, la mort frappe c'est gratos, coup sur un ou bastos, tout sur un et basta, comme all dirty basta, arrêt cardiaque gros bâtard, craque en cette omita, dur pour père et mater, quand l'homme se retrouve à terre, devant la mort fais plus le fier, ne le souhaite pas à ton frère, car en premier c'est toi qu'elle peut venir chez cher, sais-tu que le paradis c'est cher, sois paradin sur la terre. Sois pas affolé, on finira tous sous terre. Avec plein de faux follets qui au-dessus viennent voler. Et les vers viennent bouffer jusqu'à en étouffer. Parce que la mort nous aura tous, faut profiter. Évitez de baisser les bras devant l'adversité. La mort nous aura tous, faut pas flipper. Un de ces jours, la faucheuse viendra te chercher. La mort nous aura tous, sans exception. Depuis toujours, elle est la cause de nos déceptions. La mort nous aura tous, parce que la mort nous aura tous. Pauvre riche, pauvre et con, tu mourras, tu pourras pas l'éviter. Tu pourras mentir à esquivera, mais t'es déjà invité. Je peux plus compter combien de frères elle a déjà connecté en quantité. Pas de pitié, elle prend que la qualité. On dit que les meilleurs partent les premiers, donc dans ce monde on est tous premiers. Car à la mort on est tous promus. C'est pas la mort mais la vie que je prône. Je me dis que chaque jour n'est pas un pas de plus vers la mort, mais un jour de plus à vivre en se battant pour amener les vivres. Et ouais, on veut juste kiffer, rester libre. Mais je sais qu'elle nous aura tous, c'est une fatalité. On vit, on meurt et on peut pas l'éviter. Parce que la mort nous aura tous, faut profiter. Évitez de baisser les bras devant l'adversité. La mort nous aura tous, faut pas flipper. Un de ces jours, la faucheuse viendra te chercher. La mort nous aura tous, sans exception. Depuis toujours, elle est la cause de nos déceptions. La mort nous aura tous, parce que la mort nous aura tous.